Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1937, de André Bazin, qui en sortait à 19 ans, premier de sa promotion, le directeur de l'École normale d'instituteurs de La Rochelle écrivait ceci. Élève brillant de beaucoup supérieur à ses camarades. Esprit littéraire et philosophique, apte à des études supérieures. Candidat à une quatrième année lettres, avec succès escompté, je ne serais pas étonné que M. Bazin devint dans la suite un professeur de premier plan. Mais la santé est à ménager. Le moins que l'on puisse dire, c'est que durant sa courte vie, André Bazin ne ménagea pas cette santé fragile depuis toujours. Né à la critique de cinéma à la fin de la Deuxième Guerre, disparu à l'avènement de la Nouvelle Vague, celui que son fils spirituel François Truffaut qualifiait d'écrivain de cinéma aura écrit en une quinzaine d'années plus de 2800 textes consacrés au 7e art. En 1988, Jean-Pierre Pagliano proposait aux auditeurs de France Culture de connaître un peu mieux la personnalité du plus mythique critique de cinéma en consacrant à André Bazin un numéro en deux volets de Profil perdu. Nous en écoutons ici le premier avec les témoignages de Jean et Françoise Burgot, de Jean Collet et de Jean-Charles Takela, avec les voix de François Truffaut et Jean-Luc Godard, avec la voix d'André Bazin et des textes lus par Françoise Lebrun. Angela veut un enfant illico. Comme pas mal de femmes, elle aurait pu vouloir aller à Marseille tout à coup, ou vouloir une robe de 100 000 francs, ou un éclair au chocolat, que sais-je. Une brusque envie pour laquelle elle aimerait mieux mourir plutôt que de ne pas la satisfaire. Ce qui est complètement idiot. Mais enfin, c'est comme ça, une femme est une femme. Et vouloir un enfant dans les 24 heures, après tout, à 24 ans, pour une femme, c'est une noble idée. Or, puisque, disait Bazin, le cinéma se substitue à notre regard pour offrir un monde qui s'accorde à nos désirs. Il était extraordinairement tentant de substituer au regard de cette jeune Parisienne celui d'une Mitchell 300 et, en prouvant qu'une femme reste une femme, de prouver que le cinéma reste du cinéma. Mais attention, je l'aperçois, c'est elle. Angela Récamier, elle s'appelle. Lights, camera, action! Profil perdu. André Bazin par Jean-Pierre Pagliano. Il a toujours été maigre. Moi, je l'ai toujours connu maigre et les yeux enfoncés. Enfin, il faisait assez pulmonaire, comme ça, vous voyez. Les yeux brillants, un peu fiévreux. Mais gentil et doux. Il a joué un rôle sur moi, je veux dire, même une influence, je dirais, puisque il y a un des sujets que j'ai tourné, le cousin-cousine, vient de Bazin, parce que Bazin avait écrit que le cinéma français ne s'intéressait pas aux familles. Et je crois que c'était le début d'une des critiques, peut-être celle de Dernières Vacances. Et c'est une phrase qui m'avait toujours marqué. Il avait des fois des phrases assez chocs pour commencer ses articles. Et cette phrase m'avait toujours marqué. Et je m'étais dit, un jour, si je fais des films, mais je ferai un film sur les familles, quand les familles se donnent en spectacle, les fêtes de famille, etc. Et c'est de cette idée-là qui est née Cousin-Cousine. Cette base-là. André, qui s'enflammait extraordinairement, s'apercevait toujours trop tard qu'on l'avait taquiné. Car bizarrement, il était extrêmement intelligent, il pouvait être très drôle, et je crois pouvoir dire qu'il n'avait pas d'humour. Il était drôle, il était souvent triste. Non d'ailleurs, j'ai tort de dire ça, il n'était pas triste, il était perpétuellement angoissé. La personnalité d'André Bazin a marqué tous ceux qui l'ont approché, ne serait-ce qu'à l'occasion des innombrables séances de ciné-club qu'il a animées. Mort à 40 ans, en 1958, André Bazin a consacré sa courte existence à propager l'amour du cinéma, à analyser les films avec une virtuosité et une pénétration qui font encore de lui le critique le plus souvent traduit et édité hors de France. Si l'on accepte son étude sur Orson Welles et le livre sur Jean Renoir auquel il travaillait au moment de sa mort, tous ses ouvrages sont des recueils posthumes, des articles et des essais publiés dans les nombreuses revues auxquelles il a collaboré, notamment les Cahiers du cinéma, qu'il a fondé en 1951 avec Jacques Doniol-Valcroze. André Bazin était un très curieux personnage. Françoise Burgot. Très curieux personnage parce qu'il était fantastiquement intelligent, fantastiquement curieux de tout, fantastiquement mal portant, sans aucune espèce de résistance physique. Toute sa résistance était strictement nerveuse et appuyée sur des enthousiasmes dont je crois, sans le trahir, pouvoir dire qu'ils étaient d'abord des enthousiasmes esthétiques. Il aimait la beauté, et je le rappelais à mon mari hier, d'une façon qui, quelquefois, nous faisait sursauter. Par exemple, il était un fanatique de ce qu'il appelait le beau du lait. Et c'est comme ça qu'un jour, nous sommes allés nous promener sur les bords de la Seine, côté Colombes, Argenteuil en face, qui à l'époque était quelque chose d'épouvantable. Il y avait des terrains vagues, il y avait des cabanes en bois, les petits jardins qui avaient été naguère confiés à quelques employés de chemin de fer, et c'était le seul sourire de la région. Et puis les établissements industriels sur l'autre rive de la Seine, qui à l'époque étaient extraordinairement laids, tristes, noirs, sales, avec des fumées, avec des cheminées, sans âge. Et André Bazin, planté sur la rive nord de la Seine, contemplait cette rive sud avec ravissement. J'avoue que je ne partageais pas du tout son ravissement. Mais j'ai dit qu'il était fantastiquement intelligent et fantastiquement dépourvu de santé, mais il possédait en même temps une énergie fabuleuse, contrecarrée donc par son manque de résistance physique, évidemment, et par quelque chose qui l'a extraordinairement gêné et qui a expliqué beaucoup de ses attitudes, c'est qu'il bégayait terriblement. Mais il ne bégayait pas tout le temps. L'émotion le faisait bégayer, l'émotion heureuse, l'émotion malheureuse le faisait bégayer, et lui qui s'était destiné à une carrière de professeur a dû renoncer à l'enseignement parce qu'il ne pouvait pas lire en public. Il pouvait à la rigueur parler en public, et quand il était avec des gens qu'il connaissait, ce qu'il disait était suffisamment intéressant pour qu'on passe par-dessus l'inconvénient du bégaiement, mais il ne pouvait pas lire un texte écrit. Et mon père et moi, nous avons passé des dimanches entiers à essayer de le faire lire pour se débarrasser de son bégaiement. Et chose bizarre, enfin tout à fait normale, je crois, explicable psychologiquement, la première lecture, c'était incompréhensible. À la seconde, c'était un peu plus compréhensible. La troisième, ça l'était tout à fait, parce qu'en fait, il avait enregistré le texte, alors qu'il prétendait n'avoir aucune mémoire. Ce qui était un énorme mensonge. Il avait une fabuleuse mémoire, en particulier une fabuleuse mémoire des images et des cocasseries. Et il était hors de question pour lui de participer, j'allais dire militairement, à la résistance avec un R majuscule, faute d'avoir une résistance avec un air minuscule physique suffisante, mais il n'avait aucun sens du danger. Ça ne l'intéressait pas, il ne l'envisageait pas, et c'est ainsi que, après la création par Jean-Pierre Chartier d'un groupe de cinéma à la Maison des Lettres, et après le départ de Jean-Pierre pour le Maquis, il n'était pas question pour André de partir dans le Maquis, il a repris le groupe de cinéma de la Maison des Lettres, et par des voies tortueuses, il s'est procuré des quantités de films américains et anglais, naturellement strictement interdits à la projection en France, et que l'on a projeté à la Maison des Lettres, dès que nous avons eu un local suffisant, non plus rue Soufflot, mais dans un petit hôtel particulier de la rue des Ursulines. Petit hôtel, alors très commode, car il était au fond d'un couloir, enfin d'une espèce d'entrée, de cour, assez étroite, et il débouchait en arrière sur un petit jardin qui lui-même donnait sur un autre jardin, ce qui pour nous était très important d'avoir une double sortie. Ouais. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi. Et il avait 26 ans, et une bonne culture générale, qui n'était pas une culture classique, puisqu'il avait fait des études primaires supérieures, pas une culture classique, je veux dire, pas une culture latino-grecque. Mmh. Il avait une excellente culture moderne, internationale, car ses curiosités dépassaient très très largement les frontières de la France. Mais il ne parlait aucune langue étrangère, convenablement, ce qui l'irritait profondément, ça l'agaçait beaucoup. Il disait « traduis, traduis, traduisez !» C'était quelque chose qu'on entendait très souvent. Et à l'époque, assez bizarrement, mais il paraît que ça n'est pas bizarre quand on est psychologue et on peut l'expliquer, bégayer l'empêchait d'écrire. Il pouvait écrire des lignes, quelques lignes très courtes, des textes très courts, et il ne pouvait pas écrire un texte long. Et une semaine où il était venu passer le week-end chez mes parents, dans ma famille, ça c'était à l'été 43, il nous avait raconté des choses tout à fait étonnantes sur la peinture médiévale. J'ai l'air d'être très, très loin du sujet cinématographique, mais vous allez voir que j'en suis tout près. Des choses très intéressantes sur la peinture médiévale, et on ne voyait pas très bien où il voulait en venir. Lui non plus, d'ailleurs. Et comme mon père était un homme très cultivé et infiniment drôle, au bout d'un moment, il lui a fait comprendre qu'on aimerait bien savoir ce qu'il cherchait à nous faire comprendre. Et alors il a dit, mais je veux vous faire comprendre que la peinture médiévale et le cinéma, c'est la même chose. Alors, nous n'étions pas, nous, des spécialistes du cinéma. Lui était déjà un spécialiste du cinéma, car il allait sans cesse au cinéma. C'est-à-dire que chaque moment de liberté le précipitait dans les salles de cinéma, souvent avec fureur d'ailleurs. Et alors, l'explication, c'était que les peintres médiévaux avaient tenté d'introduire dans leurs œuvres la signification du monde. Alors, d'une façon plate, parce qu'ils ne connaissaient pas la perspective et qu'ils étaient obligés d'utiliser les techniques qui étaient les leurs, et que le cinéma, c'était la même chose. Et que le but du cinéma, c'était de recréer un monde. Alors cette fois, plus avec un pinceau, mais avec une caméra, mais que c'était la même chose. Je ne suis pas sûre que l'explication était parfaitement cohérente, mais c'était en tout cas intéressant. Et la conclusion, c'était que le seul moyen que nous comprenions bien tout ce qu'il voulait dire était peut-être de le voir mettre ça noir sur blanc. Alors, nous l'avons carrément installé dans une pièce, avec du papier blanc, et on lui a dit, ben maintenant vous écrivez. Car dans ces temps, on ne se tutoyait pas, ainsi que vous savez, même entre camarades, et même très proches. Et on l'a vu sortir hirsute, il avait les cheveux extrêmement plats, très droits, et quand il était ému, il fourrageait dans ses cheveux, ce qui donnait un aspect tout à fait curieux à sa physionomie, qui était fine, qui était jolie. Il avait le visage extrêmement fin, des yeux noisettes claires, extraordinairement lumineux, un nez très droit. Enfin, il avait un joli visage, une mine abominable déjà. Il avait déjà été très malade. En fait, il a souffert de tuberculose toute sa vie, on peut dire, toute sa vie. Une tuberculose très mal soignée et largement méprisée par lui aussi longtemps qu'il l'a pu. Et on l'a vu sortir de la pièce, où je ne peux pas dire que nous l'y avions enfermé, sauf moralement, au bout d'un moment absolument hors de lui, en disant, mais non, moi je ne peux pas exprimer ça, il faudra que je le fasse plus tard, mais avant, j'ai besoin de toucher au cinéma d'une façon pratique. Alors la conclusion que nous en avions bêtement tirée, c'était qu'il voulait être réalisateur de cinéma. Ce n'était pas ça. Sa façon, à lui, de toucher au cinéma, c'était d'essayer de comprendre, jusqu'au plus petit détail, pourquoi un film était ce qu'il était. André Bazin. Eh bien, pour ma part, je me trouve placé avec le cinéma dans une situation particulière. En effet, de tous les arts mis ici en cause, le cinéma est le seul où le problème du changement et surtout du divorce entre l'art et le peuple et les masses ne se pose pas de la même façon. En effet, le cinéma est par essence matériel, technique, esthétique même, un art des masses et du peuple. Il ne peut donc pas être question d'un cinéma qui ne plairait pas aux masses, pour cette bonne raison que s'il ne plaisait pas aux masses, il n'y aurait plus de cinéma. Il n'y a de film que s'il plaît aux masses. Il n'y a pas de producteur assez fou pour faire un film qui ne reçoive pas l'agrément des masses. Toutefois, il est vrai aussi que le cinéma change. Il ne faudrait pas croire, comme on pourrait le penser à cause des fondements financiers et matériels très lourds du cinéma, que le cinéma est un art établi à l'étiage le plus bas des goûts populaires, du public. D'abord, il y a l'avant-garde cinématographique qui a toujours joué un rôle de franc-garde et de franc-tireur, qui a influencé à retardement, bien sûr, le sang du poète de Cocteau, par exemple, ou le chien d'Aoud Buñuel, ou enfin tous les cinémas d'avant-garde ont influencé à longue échéance le cinéma. Mais même dans le cinéma commercial, je crois que si on y regarde de près, on s'aperçoit que le cinéma est en train de faire, à une vitesse prodigieusement accélérée sur les autres arts, car le cinéma, il ne faut pas l'oublier, n'a qu'une cinquantaine d'années, le cinéma est en train de parcourir le chemin que les autres arts ont parcouru en 2 ou 3 000 ans. Et que nous passons d'un cinéma sociologique à un cinéma plus individualiste et à une technique primitive du langage cinématographique, à une technique qui, dans certains cas, est aussi évoluée que la technique du langage des peintres ou des romanciers. Dresser un chien en 3 jours, c'est pas comment ? Eh ben, il lui rasait le poil à la jointure de la patte. Et avec un fer rouge, il lui brûlait la peau. Devant le public, pour le faire travailler, il lui touchait la plaie avec un fouet. Tais-toi et ça me dégoûte. Il parle plus de ce type-là, c'est un dégueulasse. Il est fou. Oh non, il n'est pas fou. Il est piqué comme un frégaté. Et il le sait. Non, il abîme les yeux, ça le console. Moi aussi, il m'a abîmé. Si on remonte aux origines de l'histoire d'André Bazin, alors il y aurait sa famille que vous avez définie comme moitié rochelloise, moitié angevine. Angevine. Et au point de vue social, c'était... Eh bien, c'était une famille, j'aime pas beaucoup cette expression, mais c'était vraiment une famille de ce que j'appellerais des moyens bourgeois, beaucoup plus du côté de son père d'ailleurs que du côté de sa mère, qui elle était d'une origine plus modeste. Mais il y avait en particulier une grand-mère, qui était la mère de M. Bazin, qui habitait Angers, qui était une femme d'une délicatesse, jolie comme un cœur, minuscule et jolie comme un cœur, et très très bien portante. Elle est morte à 87 ou 8 ans, quelque chose comme ça, qui adorait son petit-fils, que son petit-fils adorait, et je crois pouvoir dire qu'elle est la seule personne à qui il disait non pas tout, quel est l'individu qui dit tout à quelqu'un d'autre, mais c'est la seule personne qui était au fait des angoisses métaphysiques d'André Bazin. Alors, je continue un tout petit peu. Le père d'André était, au moment où je l'ai connu, fondé de pouvoir d'une banque de La Rochelle. C'était un homme pas commode, très handicapé physiquement, qui boitait très très bas, qui n'avait pas le caractère facile, qui était un homme intelligent, mais qui avait une intelligence, comment dire, très pratique, qui était très près des réalités, qui s'intéressait un peu à l'argent, ce qui est quand même normal pour un banquier, mais sans plus. L'argent n'était pas quelque chose qui avait une importance énorme dans la famille. Le ménage formé par Madame Bazin et son mari avait été un très mauvais ménage, avec des années de disparition de Madame Bazin, ce qui, je crois, avait beaucoup peiné André. Il avait horreur de parler de tout cela. Ce sont des choses que j'ai apprises par la grand-mère. Et il avait donc reçu une éducation, j'allais dire scolaire, excellente, et une éducation familiale qui ne trouvait son équilibre que du côté de sa grand-mère, c'est-à-dire pendant les mois de vacances. Il n'a pas eu une enfance heureuse. On ne peut pas dire qu'il a eu une enfance heureuse. Et il a compensé par la lecture, car c'était un dévoreur de livres, ce qu'il ne trouvait pas dans la vie familiale. Et j'ai découvert avec surprise qu'il avait eu très très peu de camarades. Si, il avait eu beaucoup de camarades et il avait eu très très peu d'amis. Et finalement, ses premiers vrais amis avaient été des gens beaucoup plus âgés que lui, comme Pierre-Aimé Touchard par exemple, qui l'avaient un peu pris sous leur protection morale et intellectuelle. Et ses premiers vrais amis de son âge, il les a connus à l'école de Saint-Cloud et plus tard à la Maison des Lettres. Mais auparavant, il y a quand même eu la rencontre de Guy Léger. Alors, il y a eu la rencontre de Guy Léger. Je ne sais pas comment ils se sont connus, à la vérité. Je ne peux pas vous le dire parce que je ne le sais pas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'André Bazin était un mystique. C'était un mystique, comme l'a dit mon mari tout à l'heure, pas du tout conformiste. Je veux dire par là qu'il croyait à une puissance divine. Il était catholique. Avait pratiqué la religion catholique, il lui arrivait encore de le faire, sans enthousiasme. Je dois dire que le côté enfermé de la religion catholique l'exaspérait beaucoup, et aux prêtres séculiers, dont beaucoup lui paraissaient pas porter la mauvaise parole, je voudrais pas quand même trahir sa pensée, mais interpréter les choses au ras des pâquerettes, il préférait mille fois les moines. Et c'est comme ça qu'il était infiniment lié aux dominicains, en particulier aux dominicains d'Étiole. Le couvent d'Étiole, je ne sais pas s'il existe toujours d'ailleurs, je n'en sais rien, faisait, c'est-à-dire dans l'immédiate avant-guerre et pendant la guerre, faisait non seulement des retraites, mais des espèces de réunions de travail où étaient invités même des gens qui étaient des laïcs et même des agnostiques. Moi, j'étais tout à fait agnostique et j'y suis allée plusieurs fois. Et là, André vraiment s'épanouissait parce qu'il trouvait un mode de pensée qui exprimait ce qui chez lui n'était pas exprimé. J'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui a été probablement l'ami le plus intime de Bazin, et l'ami de toujours. Jean Collet. C'est Guy Léger. Guy Léger était un dominicain qui a connu Bazin quand il était étudiant à Bordeaux. Et c'est même Léger qui a initié Bazin au cinéma. J'ai été passionné de cinéma, il l'a été toute sa vie. Et Léger était un homme d'une grande culture. Il avait connu Heidegger, il était philosophe, il travaillait sur Heidegger. Et toute sa vie, il a aimé le cinéma avec un goût, un discernement extraordinaire. Il fait partie de ces gens obscurs auxquels il faut rendre hommage parce qu'il était aussi dans ce groupe autour de Bazin, Marcel Legault, etc., qui ont eu beaucoup d'influence. Alors, pour les cinéphiles, disons tout de même qu'il y a une image qui reste de Guy Léger, c'est dans « Ma nuit chez Maud » où Romère lui a donné son rôle, c'est-à-dire dans le deuxième sermon, quand Trintignant et Marie-Christine Barrault vont à la messe, c'est Léger qui fait le sermon, que d'ailleurs il n'écoute pas du tout parce qu'il pense à autre chose, et c'est très bien comme ça. Et Léger dit d'ailleurs un sermon qu'il a lui-même improvisé, c'est pas Romère qui l'a écrit. Voilà, il restera là, il est mort en 83, juste un an avant Truffaut. Et il avait créé la salle André Bazin en 73, qui a disparu aussi au moment de sa mort en 83, mais qui a été un grand cinéma d'art et d'essai à cette période. André Bazin, Venise, 1948. Moi, je trouve qu'il y a une lacune grave dans ce palmarès, quoique évidemment il y ait bien un petit prix ou deux pour ce film, c'est l'oubli de La Terre tremble qui a irrité les Italiens, principalement d'ailleurs, n'est-ce pas, qu'ils n'ont pas aimé et qui n'a été défendu à l'inverse des autres films italiens qui me paraissent avoir été très bien défendus par leur... compatriotes. C'était bien surestimé, à mon avis. Et ils ont sous-estimé, par contre, le seul film qui, à mon sens, a apporté dans les pas le seul, parce qu'il y a quand même Hamlet et les films de théâtre que j'oublie là. Mais l'un des 5 ou 6 films qui, à mon sens, a été cette année un événement pour l'histoire du cinéma. Je crois que La Terre tremble, dans 10 ans, l'année 48, sera un peu l'année tout de même de ce 5 ou 6 films, dont La Terre tremble. Et il n'a pas été récompensé à sa mesure. André Bazin, ma femme et moi, nous étions les 3 premiers membres de la Maison des Lettres que Pierre Aimé Touchard a recruté. Ils nous connaissaient tous 3 par des voies diverses personnellement. Et comme ils ne voulaient recruter que des gens de confiance, pour des raisons qui se sont ensuite précisées, en sens que cette maison qui était créée par le gouvernement de Pétain et qui était destinée à endoctriner un peu les étudiants, comme il y avait la maison des beaux-arts, la maison des sciences, la maison du droit, la maison de la médecine, et bien toutes ces maisons se sont peu à peu, et surtout la maison des lettres et la maison des sciences et la maison des beaux-arts. La maison des beaux-arts était dirigée par Jean-Marie Serrault, qui après, vous savez, a fait aussi une carrière dans le théâtre. Eh bien, toutes ces maisons ont peu à peu viré vers la résistance et au contraire ont été des pourvoyeuses de la... en particulier, ma femme est plongée dans ce livre qui vient de sortir sur les hommes du riage. Eh bien, beaucoup de gens du riage sont passés par la Maison des Lettres, ont été recrutés à la Maison des Lettres, étaient des membres de la Maison des Lettres. Et Pierre-Aimé Touchard était un peu notre père spirituel pour tout ça. Françoise Burgot, la création de la Maison des Lettres, c'était 1941, je crois. 1er septembre 1941. Mais on ne peut pas dire que les activités, à proprement parler, aient commencé à cette date-là, parce qu'il nous fallait un local, et que quand Pierre-Aimé Touchard a été nommé à cette direction, il n'y avait ni crédit, ni local, ni personnel, ni naturellement encore étudiant. Et par conséquent, il nous a fallu chercher un appartement, que nous avons trouvé, sans aucune peine d'ailleurs, rue Soufflot, à quelques mètres du fameux Copart, et dans un immeuble qui présentait bien des avantages, parce que en haut, tout à fait, il y avait des chambres, les anciennes chambres de bonne, qui n'apparaissaient pas dans le bail, donc qui n'étaient pas connues administrativement, et qui nous ont permis d'y mettre discrètement un certain nombre de personnes. Et cette maison a commencé à fonctionner pratiquement dès le début de décembre 1941, fonctionner sans aucun moyen. Il n'y avait pas de chauffage, mais les Parisiens n'étaient pas chauffés, par conséquent, nous n'étions pas plus malheureux que d'autres. Et c'est là, c'est à la Maison des Lettres que vous avez connu Alors, André Bazin. C'est donc là que nous avons connu André Bazin, comme mon mari vous l'a dit, dès le début, puisque le même jour, qui n'était d'ailleurs probablement pas le 1er septembre, mais ça c'est très difficile de se rappeler exactement le jour, ça devait être vers le 3 ou le 4, il a reçu le même jour... où André Bazin et mon mari, ou mon mari et André Bazin, et moi en 3e. J'étais très jeune, j'avais 22 ans. Parce qu'à la Maison des Lettres, il y avait un certain nombre de gens qui, très vite, on a voulu donner des activités aux étudiants, chacun était responsable d'un groupe de travail auxquels participaient obligatoirement, les gens devaient participer au moins à un groupe de travail. Et ces groupes étaient faits autour de gens qui, depuis, sont de plus ou moins célèbres. Par exemple, le groupe de théâtre, c'était du billard qu'il dirigeait. Il était totalement inconnu à l'époque, mais il écrivait chaque année une pièce pour la Maison des Lettres. Il y avait un groupe de cinéma qui a été créé par Bazin. Non. Il a été créé par Jean-Pierre Chartier. C'est vrai. Jean-Pierre Chartier, et alors il y a eu dedans René, Chartier, Jean-Pierre Marchand, des gens comme ça. Jeannie Carbois, vous vous souvenez de votre première rencontre avec André Bazin ? La première, pas vraiment, non. Franchement, ça fait longtemps. Hein. Ben oui, il est mort en 58. Ouais. Et oui, et ça fait... Moi, j'ai dû le rencontrer, j'ai dû le connaître tout de suite après la guerre. C'est-à-dire en 45. peut-être même 44. Ah, il faisait déjà de la critique, bien sûr. Oui, il a commencé tout de suite à faire... Enfin, il s'intéressait déjà au cinéma, puisque pendant quand il était étudiant, il avait créé un ciné-club, un groupe de cinéma. Je ne sais pas si c'était vraiment déjà un ciné-club. Enfin, c'était à la Maison des Lettres, qui était un groupe d'étudiants dans le quartier latin, rue Férou. Et il avait là créé, avec Jean-Pierre Chartier, qui se trouve avoir été mon mari, ils avaient créé un groupe de cinéma, un groupe de gens qui s'intéressaient au cinéma, d'étudiants qui s'intéressaient au cinéma, d'un point de vue qui paraissait à l'époque un peu nouveau, puisqu'ils pensaient que le cinéma était objet de culture. À l'époque, c'était tout à fait cocasse, c'était une idée qui faisait rire. On ne prenait pas très au sérieux. Et il y avait un cinéaste qui les avait pris au sérieux, c'était un critique plutôt seulement à ce moment-là, c'était Roger Lénard. Et qui avait vraiment, qui les a beaucoup soutenus, qui les a aidés, qui a trouvé que leur projet... Et Roger Lénard était déjà quelqu'un qui avait donc une certaine audience dans les milieux de la culture, qui devait écrire dans des revues. Oui, c'était le titulaire de la chronique de cinéma d'Esprit. Oui, exactement. Et je crois qu'il a été très important, en effet, pour les jeunes critiques de cette époque. Ça a été leur maître à penser, enfin, vraiment à cette époque-là, tout début de l'après-guerre. Et Jean-Pierre Chartier se réclamait de lui comme André Bazin. André Bazin. Jean-Pierre Chartier, qu'on connaît aussi sous le nom de Jean-Louis Talnay. Jean-Louis Talnay, ouais. Comme rédacteur en chef de Radio-Cinéma, à ses débuts, devenu depuis Télérama. Alors ça, c'est plus tard. Donc il y a eu ce premier ciné-club à la Maison des Lettres. Je crois que c'est Jean-Pierre Chartier qui a proposé à André Bazin de créer avec lui, ou qui lui a dit... Ils étaient copains, je ne sais pas lequel a eu l'idée le premier, je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui était important, c'est qu'ils avaient le même amour du cinéma, enfin, et qu'ils avaient la même idée, encore une fois insolite à l'époque... qu'on pouvait s'intéresser au cinéma du point de vue de l'intelligence, enfin, que le cinéma était véhicule de culture, et que les films les plus simples, enfin, les films de divertissement, les comédies américaines qu'on rêvait de revoir à cette époque, parce qu'on n'en avait pas vu pendant 4 ans, 5 ans, que même ces films-là méritaient qu'on les interroge avec intelligence, avec lucidité, et qu'on se pose des questions d'ordre esthétique à leur sujet. Et que les auteurs de ces films méritaient le nom d'artiste, le nom de créateur. Culture. Il y a eu Travail et Culture qui a été tout de suite justement à la Libération, qui a été un mouvement d'éducation populaire. Là aussi, c'était dans le même mouvement, dans la même avec les mêmes intentions un petit peu que ce ciné-club, sauf que Travail et Culture ne s'adressait pas à un public d'étudiants, il s'adressait à un public de travailleurs, on disait à l'époque. Et que c'était un mouvement qui visait à introduire, aider les jeunes qui n'avaient pas, par leur milieu familial ou leur éducation, leur instruction, qui n'avaient pas eu l'occasion d'être en contact avec les œuvres de l'esprit, à les découvrir et à en profiter, à en bénéficier. Et alors, l'idée d'André Bazin, qui est très caractéristique de sa pensée profonde, c'est que un des meilleurs véhicules, un des meilleurs moyens de culture populaire, c'était le cinéma. Alors, il y avait à Travail et Culture un organisme, une section, si vous voulez, qui s'appelait le CID, c'est-à-dire Culture et Information Dramatique, je pense, quelque chose comme ça, qui s'occupait de théâtre. Bon, vous voyez le rapport entre le sigle et la finalité. Et puis, il a créé, lui, le SIC, c'est-à-dire Culture et Information Cinématographique. Et il se trouve qu'il avait à l'époque besoin d'une secrétaire et que je lui ai servi de secrétaire pendant quelques mois. Je ne sais pas s'il a été très content de mes services. D'ailleurs, je devais être une assez mauvaise secrétaire. Mais enfin, bon, j'étais très contente de travailler avec lui. Et en fait, là, c'est là que j'ai vraiment connu. Parce qu'avant, c'était encore une fois, c'était un ami d'études de mon mari. Mais je ne l'avais pas connu, moi, à ce moment-là. Ça consistait en quoi, alors, être la secrétaire d'André Bazin à Travail et Culture? On faisait un peu de tout. Vous savez, Travail et Culture, c'était vraiment une bande de copains qui fallait téléphoner pour avoir des salles, pour faire des projections de ciné-clubs. C'était effectivement et essentiellement des ciné-clubs. Les ciné-clubs, c'était encore tout nouveau. On ne savait pas tellement ce que c'était. On réunissait des gens devant un film. Et puis on se disait qu'il faut leur dire quelque chose sur ce film, parce qu'autrement ils vont repartir et puis ils auront simplement vu une histoire. Or ce film a été longuement médité par un cinéaste, par un scénariste, qui ont choisi ensemble des thèmes, qui ont écrit ensemble des scènes. Ça a été un travail de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Il n'est pas possible que ça passe comme ça, simplement comme un gâchis d'aspirine. Enfin, il faut que les gens le dégustent comme il a été réalisé, sans vouloir du tout, alors là, attention, pas faire de la pédanterie à propos de ces films. Il fallait aussi que les gens soient heureux de voir un film, s'amusent si c'était un film comique, pleurent si c'était un film dramatique, tout simplement. Mais qu'ils puissent s'exprimer aussi à partir de ce film. C'était un bon moyen de donner la parole à des gens qui peut-être ne l'avaient pas, qui n'avaient pas l'habitude de prendre la parole en public, par exemple. News on the march! Vous participiez aux séances, bien sûr. Ah oui, bien sûr, ça c'était la récompense. Vous pouvez nous raconter une séance animée par André Bazin? Alors c'était extraordinaire, parce qu'on a déjà dû vous dire que André Bazin bégayait. Et que c'était vraiment quelque chose de à la fois de pathétique et d'admirable de le voir conquérir une salle. Ce qu'il disait était tellement intéressant qu'après les premiers mouvements, qui toujours, quand les gens ne le connaissaient pas, étaient vraiment difficiles. Et c'était, enfin, j'ai toujours été, moi, j'y allais vraiment avec émotion, enfin, parce que je me demandais si ça allait marcher, s'il allait y arriver. Et faire une conférence, parler en public devant une salle de jeunes, quand on a des difficultés d'élocution, or il bégayait vraiment sérieusement, enfin, il butait pendant plusieurs moments sur le même mot, enfin, c'était pas une hésitation comme certains conférenciers peuvent en avoir. Ça peut être quelquefois une sorte de pause même. Enfin, il y a des gens qui ont fait d'une légère ralentissement dans l'élocution un art. Hein. Lui, c'était pas le cas. Il était soumis à un bégaiement qui quelquefois était vraiment dramatique et qui l'empêchait de parler. Or, encore une fois, après les premiers moments de stupeur et quelquefois de rire dans la salle, il maintenait imperturbablement sa présence et son discours sans se laisser démonter, sans remarquer ce qui s'était passé. Et ce qu'il disait était si passionnant qu'au bout de 5 minutes, il n'y avait plus aucun mouvement dans la salle et qu'on l'écoutait et qu'on attendait qu'il ait fini de bégayer pour attendre la suite de ce qu'il avait à dire. Et ça, je trouve que c'est vraiment la plus belle, plus beau souvenir que je puisse avoir d'un homme qui surmonte un léger handicap. Enfin, c'était pas terrible, mais quand on veut parler en public, c'en est un quand même. Et en fait, il se destinait à l'enseignement et il aurait eu ce même problème s'il avait été professeur, parce qu'un professeur bègue, c'est sans doute, on lui aurait peut-être même fait des difficultés à l'éducation nationale. Je ne sais pas s'il n'aurait pas eu des problèmes. Je crois qu'il en a eu, effectivement, parce que dans une lettre du 3 octobre 1941, il écrit à son ami Guy Leger: il m'est arrivé une catastrophe à laquelle je n'étais pas habitué. J'ai échoué à l'oral du professorat. Plus exactement, on me l'a refusé parce que j'avais bégayé à ma lecture expliquée. Je ne savais pas ça, mais je pensais bien qu'il avait dû avoir des difficultés. Parce qu'il avait fait des études pour être professeur. Il avait fait l'école normale de Saint-Cloud. Oui. Qui n'était pas tout à fait la voie royale quand même, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, qui était ce qu'on appelait à l'époque l'enseignement primaire supérieur. Ça n'existe plus, il n'y a plus qu'une école normale maintenant. Mais en 1944, et dans les années 42, 43, 44, quand André Bazin... Il est entré à Saint-Cloud en 38. Ah oui, alors plus tôt encore que je ne le pensais. Oui. Donc là, à ce moment-là, c'était une école qui formait les maîtres de l'enseignement primaire supérieur. Parce que c'était vraiment deux voies tout à fait parallèles. Et en effet, comme vous le disiez, ce n'était pas la voie royale, c'était la petite porte. finalement, c'était peut-être une chance pour lui qu'on lui fasse barrage, puisque ça lui a permis d'être providence. Un professeur de cinéma, et le premier du genre. Et de développer toutes ses qualités pédagogiques, parce qu'il avait des qualités pédagogiques tout à fait remarquables. Quand il expliquait, je n'ai jamais entendu quelqu'un expliquer un film avec autant de clarté, de simplicité et de profondeur à la fois. C'est-à-dire qu'il vous disait des choses très subtiles, mais avec une extraordinaire clarté. Ce qui était des conditions parfaites pour faire un excellent journaliste. Mm-hmm. Parce qu'en fait, les journalistes sont aussi un peu des pédagogues, bien qu'ils s'en défendent. Le mot de la fin est celui-là même du commencement. Le Rosebud, dont l'enquête cherche en vain la signification dans la vie aventureuse de Kane, n'est que le mot écrit sur la toile d'un traîneau d'enfant. Quand l'orgueil et les alibis du succès ont desserré leur étreinte, que ce vieillard au seuil de la mort s'abandonne jusqu'à laisser glisser dans une ultime rêverie la clé la plus secrète de ses songes, sa parole historique n'est qu'un mot d'enfant. N'est-ce pas avec le traîneau, dont le souvenir peut-être inconscient le hantera jusqu'à la mort, qu'il frappe rageusement au début de sa vie le banquier venu l'arracher au jeu de la neige et à la protection maternelle, venu l'enlever à son enfance pour en faire le citoyen Kane, a great citizen. Kane l'est en effet devenu comme sa fortune l'y condamnait. Du moins, s'est-il vengé de la frustration de son enfance en jouant de sa puissance sociale comme d'un formidable traîneau pour se laisser enivrer par le vertige de la fortune ou frapper au visage ceux qui osaient mettre en doute le bien fondé moral de ses actes et de son plaisir. Démasqué par son meilleur ami et par la femme qu'il croyait avoir le plus aimée, Kane avoue, avant de mourir, qu'il ne sert à rien de conquérir le monde s'il en a perdu son enfance. André Bazin, Orson Welles, édition du Cerf. Anybody wants it? Well, at least he brought her this dog to America. What's that? Another Venus. $25,000. That's a lot of money to pay for a dame without a hair. The banks are out of luck then, huh? Oh, I don't know. Il n'était pas du tout obstiné. Il avait... Il était très capable de changer d'avis sur un film. Il écoutait beaucoup ce qu'on lui disait. C'est même quand il était devenu un peu le pape de la critique cinématographique, comme on l'a dit, c'est-à-dire que à la fin quand même de sa vie, malheureusement trop courte, mais à la fin, il était devenu vraiment une autorité dans le domaine du cinéma. Et il a toujours conservé cette même capacité d'écoute. Il écoutait même des gens qui n'étaient pas des spécialistes ou qui n'étaient pas nécessairement des lumières dans le domaine de l'esthétique cinématographique. Mais il les écoutait avec la même attention, je pense, qu'il écoutait des gens plus savants. Ça, je crois que c'est son côté pédagogue. Et il était capable de modifier sa vision d'un film, son approche d'un film, parce qu'il avait été frappé par la remarque d'un quidam. Il était vraiment, c'était pas du tout un dogmatique. C'était quelqu'un qui avait un esprit très souple, très, très ouvert. Et je pense pas qu'il ait eu une vraie méthode en béton. Enfin. C'est drôle comme les gens se font des idées étonnantes sur les femmes. L'amour. Oh. La romance, dites-le. Bah oui, on t'aime. C'est beau d'être aimé. Hein. Jean-Charles Takela, André Bazin, que vous avez bien connu, a eu finalement une très courte carrière, puisqu'il a été critique pendant 15 ans. Oui, il a été critique. Il a commencé un peu sous l'occupation, mais je veux dire, sa grande époque, l'époque où il a vraiment démarré, c'est dans les années 45-46, et il a eu, jusqu'en 1950, une activité absolument débordante. Il faisait tout à la fois, il travaillait dans 5-6 journaux, tous les soirs il présentait 2-3 films un peu partout. À partir de 50, il a été malade et il est mort 7-8 ans après. En fait, c'était plus qu'un critique, parce que les critiques, telles qu'on les voit exercer leur travail aujourd'hui, ils donnent des impressions, des opinions plus ou moins motivées sur les films. Bazin, lui, s'est d'abord attaché à définir le cinéma à travers les films. Oui, d'abord au début de ses premiers articles, d'ailleurs, même, je crois que c'est un peu ça qu'il cherchait quand il a commencé à s'intéresser au cinéma. Son occupation, c'était de définir le champ du cinéma et pourquoi le cinéma, les limites du cinéma, s'il y en avait. Il essayait d'ailleurs de les repousser, qu'il n'y en ait pas. Bon, ça a été d'abord ça. Après, ça a été s'intéresser à des mouvements, à des cinéastes. Dans votre postface à la biographie de Bazin par Dudley Andrew, vous dites qu'on évoque souvent André Bazin aux États-Unis autant qu'en France, mais qu'on suit de moins en moins son exemple. Qu'est-ce que vous entendez par là, juste ? Ben, je veux dire que la critique de Bazin n'est plus du tout ce que la plupart des critiques font aujourd'hui, parce que il y avait une chose étonnante. Moi, je suis vraiment basinien dans l'âme, parce que je trouve que sa manière d'approcher les films était pour moi la bonne et la seule qui soit. C'est-à-dire que il ne perdait pas son temps à se battre contre les mauvais films ou à les démolir. Ça l'intéressait pas. Par contre, ce qui l'intéressait, c'était de faire comprendre pourquoi tel film est très bon, original et beau, etc., pourquoi il faut l'aimer. Et il essayait tous les moyens de se faire comprendre. C'était vraiment... il écrivait pas ses articles de la même manière pour tous les journaux. Il travaillait aussi bien. Il était critique du Parisien Libéré et il était critique à la Revue du Cinéma. Et à l'Écran Français, il nous faisait des articles toutes les semaines. Il écrivait donc 5-6 journaux et à chaque fois, il se mettait au niveau du public du journal pour se faire comprendre. D'ailleurs, c'était une idée fixe. Il me donnait tout le temps ses articles à lire, même avant de les donner, pour voir qu'est-ce que tu comprends de ça, est-ce que j'ai assez bien expliqué ça, telle chose qu'on veut dire de ce film, est-ce qu'ils vont comprendre. Il voulait toujours se faire comprendre. Et souvent après, selon les réactions d'ailleurs qu'il y avait à ces articles, il réécrivait l'article sous une autre forme pour d'autres journaux pour mieux se faire comprendre. C'était vraiment une approche d'amour du cinéma et d'amour du beau cinéma. Je veux dire, donc c'est pas... Et son but était que ça, faire comprendre comme un instituteur. Il était comme un instituteur qui voulait faire aimer les belles choses à ses élèves un peu et à son public. Et c'est pas du tout le but qu'ont la plupart des critiques aujourd'hui. Bazin avait une véritable vocation pédagogique. Hein. Ah, complètement, complètement. Et en plus, tous les publics, ça touchait tous les publics. Je veux dire, quand il avait ouvert, il ouvrait des ciné-clubs dans les usines, aussi bien qu'auprès des étudiants. Il a fait des trucs insensés quand il est parti avec un camion d'images en Algérie, où il voulait présenter des classiques du cinéma à des gens qui n'avaient jamais rien vu au point de vue image cinématographique, pour voir l'effet que ça faisait de leur montrer La Ruée vers l'or, Potemkin ou Jour se lève ou Citizen Kane. Alors c'est étonnant les expériences qu'il a tentées. Le jour se lève, c'était son film fétiche, un peu. Je crois que c'est celui qui est présenté systématiquement dans les ciné-clubs. C'est le premier qu'il a vraiment analysé à fond. Il a commencé, il connaît Le jour se lève, il l'avait vu 10 fois, 15 fois, 20 fois, je sais pas, et il a commencé à le présenter partout et en essayant d'avoir les réactions des spectateurs. Alors c'était sur le décor. Il préférait ne pas parler beaucoup avant le film, c'est après. Il voulait voir en fonction des réactions des spectateurs, et après il expliquait un tas de choses, ce qu'il n'avait pas vu, il expliquait, il faisait aimer le film d'une manière formidable. Hein, je veux dire, c'était, et Le jour se lève, ça a été, disons, son premier cheval de bataille. Mais il était très concret. Il parlait. C'était pas la critique thématique encore, justement. C'était très concret. Il disait, et très proche du découpage du film, c'est-à-dire il disait, voyez tel geste, pourquoi tel geste est fait, avec tel mouvement de caméra, et pourquoi devant telle chose du décor. C'était d'une simplicité évidente. Je veux dire, c'était pas du tout des. Il délayait pas les idées, les thèmes. La première fois que vous l'avez rencontré, c'était à l'écran français. C'était à l'écran français où moi j'étais déjà entré comme journaliste et j'étais déjà d'ailleurs, j'avais déjà été engagé au mois, je travaillais, j'avais 19 ans et il est venu apporter, je le connaissais de nom un peu comme ça, mais il est venu apporter deux articles qui étaient sur les trucages de films, sur deux films américains et on a commencé à bavarder et puis... je sais pas comment c'est venu, mais il a appris, je lui ai dit que j'avais fait une filmographie à l'époque, que le mot filmographie existait peut-être pas, mais j'avais depuis l'âge de 11-12 ans, j'avais noté toutes les listes, je faisais des listes de tous les metteurs en scène du monde entier, et c'était très rare à l'époque, personne n'avait ça, il n'y avait pas de livre sur le cinéma, il n'y avait presque rien, alors... Et donc j'avais ça. Alors je sais que il a sauté dessus. Et on a passé 3-4 jours. On s'est pas quitté pendant 3-4 jours parce que on a épluché ensemble ma liste. C'est-à-dire qu'il alors il m'interrogeait, il me disait, par exemple, on prenait la liste Frank Capra, il me disait, qu'est-ce que tu as vu là-dessus? Moi, j'ai vu ça. On échangeait nos opinions pour avoir une opinion sur définitive sur Capra. Et on a fait ça sur tous les metteurs en scène. C'était comme ça qu'on a fait connaître. Puis après, je dois dire que. Pratiquement, pendant 5 ans, on s'est pas quitté, on se voyait presque tous les jours, quoi. Donc entre 45 et 50. Oui. L'écran français, il faut peut-être rappeler que c'était un grand hebdomadaire de cinéma qui était animé ou dirigé par. Par Jean Vidal et Jean-Pierre Barrault. C'est ça, mais qui avait commencé pendant l'occupation, en fait, dès 43. C'est-à-dire que c'était une feuille qui était publiée. Pendant, à part les lettres françaises, qui était aussi un journal clandestin pendant la guerre, et publié une feuille ou deux sur le cinéma, et ça s'appelait l'écran français. C'est comme ça que c'était né. Et ça a été le premier journal de cinéma qui a paru après la libération, parce que dans les années d'après-guerre, le papier était très rare, et donc il y avait peu d'autorisation pour publier des journaux, et on avait été les premiers. Et André Bazin a donc collaboré régulièrement à l'écran français. Ben, il est venu là, je vous dis, quand il est venu, il n'a pas collaboré au tout premier papier, tout premier numéro, je veux dire, et il a dû venir au bout de quelques numéros. Est-ce que vous aviez des réunions de rédaction? Comment ça se passait? Et sa participation à lui, comment se présentait-elle humainement, je veux dire, hein, dans les contacts comme ça? À l'écran français, il était pigiste, c'est-à-dire qu'il faisait... il venait le lundi matin, on avait une conférence de rédaction où on se répartissait d'ailleurs tout le travail de la semaine et surtout les films qui sortaient le mercredi, parce que... À l'époque, on n'allait pas voir, on pouvait pas voir les films en projection privée, il y en avait pas. Alors, on allait tous le mercredi, on se partageait le travail, on choisissait les films. Tous les lundis matins, il était là. Un petit peu au début à la rencontre, parce qu'il y a une chose qui est assez frappante quand on regarde un peu les dates, c'est que vous étiez très jeune, Jean-Charles Takela, quand vous faisiez de la critique, vous aviez 19 ans. Hein. Moi j'avais 19 ans quand je suis entré à l'écran français, et André avait 26 ans, lui. On avait 7 ans de différence, et après Truffaut, quand on a rencontré Truffaut, Truffaut avait 7 ans juste de moins que moi. C'était drôle, ça fait une sorte de chaîne. Truffaut n'a jamais caché sa grande dette à l'égard de Bazin, qui était un peu son père spirituel et adoptif. Oui, mais c'est venu un peu plus tard. Moi, Truffaut a commencé à m'écrire quand il avait 15-16 ans. Comme je faisais, une des nombreuses choses que je faisais à l'écran français, c'était, je faisais le courrier des lecteurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à recevoir des lettres de François Truffaut, qui m'écrivait. Sa première lettre, c'était pour me demander où est-ce qu'il pouvait trouver des vieux journaux de cinéma, d'ailleurs. Mais Bazin a eu l'occasion de l'accueillir, je crois. Hein, Truffaut, ah oui, à un moment, oui. A vécu chez très lui. Vite. Ah oui, plus tard. Mais très vite, je veux dire, je crois même qu'il... enfin, quand il était à Travail et Culture, il venait là souvent. Donc ça devait être à peu près en 49, je crois. Truffaut venait là. Je ne sais même pas si Truffaut ne lui donnait pas un coup de main. Travail et Culture n'a pas un peu travaillé. Donc Bazin a vu Truffaut démarrer dans la critique, puis réaliser Les Mistons. Ben, démarrer dans la critique, c'est plus tard. C'est de, là, on parle du Truffaut adolescent, le Truffaut de 16 à 18, 19 ans. Oui, oui. Il a démarré dans la critique, c'est après, au début des années 50. Lorsque Bazin et Daniel Goldgross ont créé les cahiers. Oui. Et, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'a pas vu le premier long métrage de Truffaut, mais non. Il a vu quand même les courts métrages. Hein, une sûr, visite et les Mistons. Il est mort au début du tournage des 400 coups. On dit même qu'il est mort le premier jour du tournage. Crois, oui. Évidemment, les 400 coups lui est dédié. Bien sûr. Oui. François Truffaut, en 1976. Oui, absolument. André Bazin, c'est ça. La première fois que j'entends parler de lui, je crois, c'est quand j'achète la revue du cinéma. Je me souviens d'un extraordinaire article sur Verdoux. Et puis, je m'inscris dans un de ces ciné-clubs, le ciné-club La Chambre Noire, je crois, rue de Sèvres, au Sèvres-Pâté. Et là, il y a des films, on présente des films, justement, une fois tout Vigo, en une seule séance. Et après la séance, il y a une table, là, et deux, trois personnes viennent s'asseoir, je crois, Jacques Bourgeois, qui maintenant s'intéresse davantage à la musique. Je ne me souviens plus qui d'autre, et Bazin. Et Bazin est le plus intéressant, de très loin. Et puis, à cette époque-là, moi, je travaille. J'ai arrêté les études, je travaille, et j'ai l'idée de faire un ciné-club. Et alors je rencontre... mon ciné-club doit fonctionner le dimanche matin au Cluny Palace, et alors je rencontre Bazin parce que au même moment, les séances d'objectifs 49-48 qui avaient lieu avant, le soir, en semaine, je sais plus quoi, se mettent à avoir lieu le dimanche matin, donc j'essaie de m'entendre avec lui sur ces... fonctionner en alternance, parce qu'il n'y a pas de place pour deux ciné-clubs le dimanche matin. C'est déjà risqué de vouloir faire lever les gens le dimanche matin à 10h, je crois, en plein hiver. Et puis on se parle comme ça plusieurs fois à la sortie de divers films. Jean Panna. Il faisait bon vivre avant la mort d'André Bazin. Je rougissais de fierté si, au cours d'une discussion, il venait à m'approuver, mais je ressentais un plaisir plus vif encore à être contredit par lui. Il était le juste, par qui l'on aime être jugé, et pour moi un père dont les réprimandes même m'étaient douces, comme les témoignages d'un intérêt affectueux dont, enfant, j'avais été privé. Le souvenir le plus émouvant que je conserve de nos rapports remonte à 1952. Ayant déserté l'armée à la veille de mon départ pour l'Indochine, engagé volontaire pour 3 ans, j'avais donc tous les torts, je croupissais dans la prison de la caserne Duplex à Paris en compagnie d'une poignée de déserteurs du bataillon français de Corée. Nous étions une douzaine dans une cellule aménagée pour 4. La chaleur d'août et l'odeur des urines qui débordaient d'une vieille boîte de conserve rendait l'atmosphère intenable. Chacun notre tour, nous grimpions le long de la porte pour respirer l'air de la cour par une petite fenêtre. Accroché au barreau, le privilégié du moment se retourne et dit « Il y en a un ici qui s'appelle Truffaut ?» Sur ma paillasse, je me retourne et j'entends « Viens voir, il y a tes parents qui t'appellent !» Plus étonné que content, je grimpe le long de la porte pour apercevoir non pas mes parents, tiens, pardi, mais les Bazins eux-mêmes, Janine et André, à qui l'on refusait le permis de visite et qui avaient eu l'idée d'ouvrir la fenêtre d'un escalier et de crier mon nom. C'était le premier temps de Profil perdu que Jean-Pierre Pagliano consacrait à André Bazin, diffusé la première fois le 10 septembre 1970 sur France Culture. À suivre. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.